Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. De l'âge du monde. Trois ères principales. La première correspond à la création de la matière, calcul de Monsieur Poisson. La seconde correspond aux six jours, Tripoli et carapace d'animalcule, fantasmagorie des chiffres. La troisième correspond à la création d'Adam, distinction à établir. C'est au déluge que s'arrête le récit de Moïse, c'est là, par suite, que nous devrions nous arrêter nous-mêmes, puisque c'est ce récit qui a été notre principal objectif. Il me paraît essentiel toutefois de jeter un coup d'œil sur la chronologie de la Bible. Cette chronologie, nous l'avons établie précédemment, comprend trois ères principales. La première est l'ère de la création proprement dite, c'est là laquelle se rapporte le premier verset, « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre ». La seconde est l'ère géologique, laquelle comprend l'organisation du monde. Enfin la troisième est l'ère historique ou des événements humains, laquelle, partie d'Adam, va jusqu'à Jésus-Christ et de Jésus-Christ jusqu'à nous. Expliquons-nous sur chacune, de manière à nous faire bien comprendre. La première ère correspond à l'époque où Dieu créa la matière. Il est admis que cette matière représentait à l'origine une nébuleuse incandescente répandue dans l'espace. Le problème se trouve donc ramené à savoir combien il a fallu de temps à cette nébuleuse pour passer de l'état gazeux à l'état solide, et constituer ainsi l'écorce du globe. Monsieur S.D. Poisson, partant de ce fait que la température du globe devait être de 3000 degrés antérieurement à la solidification de son écorce, trouve qu'il se serait écoulé environ 108 millions d'années. Confère, théorie mathématique de la chaleur, mémoire et notes formant un supplément à l'ouvrage publié sous ce titre, par S.D. Poisson, 1837. Oui, mais, si la température originelle n'était que de 2000 degrés, température plus que suffisante pour liquéfier et volatiliser toutes les roches connues, voilà le nombre de vos millions réduit d'un bon tiers. D'ailleurs ce genre de calcul est d'autant plus hypothétique, qu'il a déjà pour base une hypothèse, l'incandescence primitive du globe. La seule chose qu'on puisse réellement affirmer, c'est que la première ère de la création remonte à une date infiniment reculée. La seconde ère, ou ère des six jours, déroute de même tous les calculs, dès l'instant où l'on admet que chacun de ces six jours représente non plus une durée de 24 heures, mais une époque indéfinie, toute évaluation, même approximative, devient impossible. La seule chose incontestable, c'est qu'il s'agit ici encore d'une très longue période de siècles. En voulez-vous la preuve? Les bancs de rochers qui composent les terrains jurassiques et crétacés sont formés des débris fossiles des coraux et infusoires qui se montrèrent en nombre incommensurable au début de la vie sur le globe. Ehrenberg a compté jusqu'à 10 millions de leurs carapaces dans une seule livre de craie. Monsieur Alfred Maury a fait, de plus, la curieuse remarque que le soldat qui nettoie son casque avec un pouce cube de Tripoli ne manie pas moins de 41 millions d'animalcules, chaque frottement en broie ainsi une dizaine de millions. Or, quand on songe au volume énorme des masses jurassiques et à l'exiguïté microscopique des petits êtres qui en constituent l'agrégat, l'esprit reste confondu sur le temps qu'ont dû exiger ces formations. Tout calcul, du moins tout calcul raisonnable, devient de la sorte impossible. Eh bien, c'est cette impossibilité même qui a tenté certains esprits. Je ne saurais mieux donner une idée de leur manière de procéder qu'en empruntant au compte rendu d'une conférence sur l'astronomie, qui se faisait dernièrement dans la salle du boulevard des Capucines, les détails qui vont suivre. L'orateur commença par poser en principe que, lorsque l'angle sous lequel nous voyons le soleil diminue d'une seconde, cette concentration du soleil suffit pour produire une quantité de chaleur capable d'entretenir la vie à la surface de la Terre pendant 18 000 ans. D'où il suffit de savoir de combien de secondes a diminué le diamètre apparent du soleil depuis que la Terre s'est détachée de cet astre, pour connaître le nombre d'années qui correspond à chaque époque géologique. Ce nombre, à dater du moment où la végétation apparut sur le globe, équivaudrait au chiffre de 11 064 560 000 ans, qui serait celui de l'âge du monde. Et comme l'auditoire, un instant stupéfait, semblait prêt à se cabrer devant toute cette fantasmagorie, l'orateur ajouta d'un ton ironique et avec une bonhomie feinte. Vous voyez qu'il y a quelque écart entre ces données de la science et les affirmations de Moïse qui n'accordent à l'âge du monde que 6 000 ans. L'effet prévu arriva. L'assistance de rire. Sans doute le contraste ainsi présenté était risible. Seulement êtes-vous bien sûr qu'ici le rire ne se soit pas trompé d'adresse? Car enfin, où donc avez-vous vu que Moïse est renfermé dans une limite de 6 000 ans l'âge du monde? D'abord il n'assigne aucune date aux deux ères qui viennent de nous occuper, l'ère de la création et l'ère des 6 jours. Sous ce rapport donc toute latitude est laissée aux faiseurs de système, mais à la condition qu'ils n'y mêleront pas son nom. C'est seulement à partir de la troisième ère cosmogonique, celle qui commence à Adam, que l'on peut trouver dans la Genèse les éléments d'une date assignée, non pas, remarquez-le bien, à l'âge du monde, mais à l'antiquité de l'homme. Ce sont là deux choses que l'on a trop souvent confondues dans un intérêt que chacun comprend. C'est même pour éviter toute confusion de ce genre que nous allons traiter à part cette troisième ère sous le titre « L'Antiquité de l'Homme ». Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF-FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.